No. She's like, I'm not getting on the girls, man. Thank you. papier. Je fais juste un test micro. Au moins, on est tous là, maintenant. C'est un peu long, mais je sais, pardon. Ça va? Moi, j'ai une théorie. Moi, je pense que c'est une conspiration. Moi, je pense qu'on a voulu les faire taire. Mais on est là. Je dépose.